Mon rendez-vous m'attend dans la pièce d'à côté. Il fait les sans pas, n'est pas patient, j'entends sa voix. J'ai l'impression de la connaître sans dire si sa colère, mais qui cela peut-il bien être et d'où vient toute cette fumée? J'ai poussé la porte, étais-je en train d'halluciner? Cet homme avait mon visage, froidement me dévisager. Face à ce mirage, je n'ai su parler. J'aurais voulu lui dire tant de choses, j'aurais dû lui donner des coups et des conseils. Depuis petit bousillé, juste un minot bricoleur mal outillé. A oublier, la vie défile au fond de fait que s'oublier. J'ai pris le temps d'aiguiser mon art et balayer le reste. Beaucoup ont voulu dévisser mon âme et caillasser mes rêves. Et rien de carré, quelques escarres, aucun plan de carrière. Tout a déclaré, besoin d'espace, le même temps que la veille. Plus les langues parlent et se délire. C'est fou ce que ça les fasse. Les gens partent dans leur délire. Ouais, c'est ça l'avenir qui se décide. Alors j'ai virevolté dans les bas-fonds de mes abysses. Pris les pires portes désormais, ne reste que les cicatrices. Ils m'ont dit, détendez-vous, l'alerte s'arrête. Après l'affaire, c'est faut que j'en découche, je leur ai dit, laissez-moi, j'ai rendez-vous avec moi-même. Tous mes rêves sont partis à force de trop courir après. Et puis j'ai maudit mes peines, je préfère en parler que déraper. Histoire trop habituelle, bien plus hard que j'étais à. J'ai perdu mon temps à me traquer, j'avais pas vu que j'étais là. Dans la spirale infernale, j'ai pas vu que mon âme est partie. Plus je la cherche, plus j'ai mal, pourtant je me l'étais interdit. Pas trop plus sont asservis, les souvenirs de moi bannis. Devant le miroir je nie, je remarque aucun air de famille. Je peux pas rattraper le temps perdu, je veux qu'on me rende ce qui m'est dû. J'ai dû payer, c'est dur, j'ai des plaies, des blessures, décuplé. Les dunes j'ai monté, puis j'ai scruté l'horizon épuisé. Je me rattraperai jamais, je pense que j'avais raison. Mon rendez-vous m'attend dans la pièce d'à côté. Il fait les sans pas, n'est pas patient, j'entends sa voix. J'ai l'impression de la connaître sans dire si sa colère, mais qui cela peut-il bien être et d'où vient toute cette fumée? J'ai poussé la porte, étais-je en train d'halluciner? Cet homme avait mon visage, froidement me dévisager. Face à ce mirage, je n'ai su parler. J'aurais voulu lui dire tant de choses, j'aurais dû lui donner des coups et des conseils. Oh mon Dieu, toi qui me connais le mal et le bien, que j'ai fait, dis-leur que je n'ai jamais voulu les blesser. Je me suis vu de l'intérieur, pas moyen de faire marche arrière. J'ai rendez-vous avec le pire et le meilleur de moi-même. Tu voulais voler de l'eau dans l'arène. Mon ego s'accroche, n'aime pas que je le malmène. Tellement de failles, si seulement j'avais su. J'avais tant, pourtant j'étais tellement sûr. J'ai fait la guerre à mes monstres, à des démons pour en préserver le monde. Et je me suis fait la guerre à m'en détruire. Ce monde ne tourne pas rond, ou bien c'est moi qui délire. La Yanacha, tu peux m'appeler Terry. Nuit courte, insomnie quasi quotidienne. Ce soir j'ai rendez-vous avec moi-même. Mon ange est un vaillant mais mon diable a la flemme. Et il me mène vers des dualités, mal bien sans fin. Celle qui laisse un être humain vain de tout repère. Ce soir ce sera un amas de questions existentielles, dont la seule et l'essentiel revient espond de se sentir vivant. Qui pour comprendre lorsque l'angoisse envahit mon plexus? Qui pour entendre les pleurs du cœur de mon Stradivarius? Qui à part moi ressent la douleur du cactus? Qui fait couler mes propres larmes à la vue d'un fœtus? En fait, la solitude est le cadeau offert dès la naissance. Ce soir j'ai rendez-vous avec mon inconscience. Mon rendez-vous m'attend dans la pièce d'à côté. Il fait les sans pas, n'est pas patient, j'entends sa voix. J'ai l'impression de la connaître sans dire si sa colère, mais qui